الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله واحذروا الفتن والفرق والضلال والبدع فإنها تضلكم عن سبيل الله serviteur d'Allah craignez Allah subhanahu wa ta'ala et faites attention et prenez garde aux voies d'égarement et aux voies de l'innovation et de la bid'a, car elles vous amènent vers votre perdition. Serviteur d'Allah, comme vous le savez tous, les ennemis de l'islam et les ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ont commencé à combattre cette religion et à essayer d'arrêter la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, yuriduna li yutfi'u nur Allah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun. Ils veulent faire éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala avec leur bouche, mais Allah subhanahu wa ta'ala complète sa lumière même si cela déplaît aux mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'introduction de Surat al-Baqarah, a décrit les mu'minoun dans les cinq premiers versets, ou les quatre premiers versets, où il a dit Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitab, la raiba fihi hudan lil muttaqin, jusqu'à la fin de ces versets-là. Les cinq premiers versets clarifient et expliquent la description des mu'minoun. Ensuite, il y a deux versets qui suivent et qui décrivent les kuffars et qui mentionnent leurs caractéristiques. Et on voit que par la suite, après ces deux versets sur les mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne et décrit les caractéristiques des munafiqoun, les hypocrites. Mais il prend 13 versets pour les expliquer, pour les mentionner, pour clarifier leur réalité. Et en même temps, c'est pour montrer que le danger des munafiqoun, c'est-à-dire des hypocrites, est beaucoup plus grand que le danger des koufars qui sont clairs et apparents. Parce que les munafiqoun cachent leurs mécréances et cachent leurs égarements et s'infiltrent parmi les musulmans pour justement essayer de faire du tort à l'islam de l'intérieur. Et lorsque l'islam est fort, c'est à ce moment-là qu'ils apparaissent. Parce qu'au début de l'islam, lorsque les musulmans étaient à Mecca, ils étaient faibles. Et donc il n'y avait pas de menace pour les ennemis de l'islam de façon apparente. Et donc, ils ne pensaient pas à rentrer dans l'islam pour cacher leur mécréance. C'est uniquement lorsque les musulmans ont commencé à se renforcer et à devenir de plus en plus fermes à Médine qu'on a vu apparaître cette troisième catégorie qu'on appelle al-munafiqoun. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet qu'ils sont dans le niveau le plus bas de l'enfer. Inna al-munafiqoun fi ad-darki al-asfali min an-nar. Ils sont dans le degré le plus bas de l'enfer. On voit donc que au tout début de l'islam, les ennemis de la religion, lorsque l'islam est devenu fort à Médine, les ennemis de l'islam n'ont pas pu l'attaquer d'affront, n'ont pas pu l'attaquer militairement, puisque les musulmans devenaient de plus en plus forts. Et après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était la même chose. Alors les koufars ont utilisé les ruses, et ils se sont infiltrés à l'intérieur de l'islam, à l'intérieur des rangs des musulmans, et a commencé à insérer et infiltrer et essayer de faire rentrer dans la religion de l'islam ce qui n'en fait pas partie. Et essayer de diviser les musulmans en créant parmi leurs rangs des diverses croyances, des diverses sectes, des divers groupes pour essayer de faire en sorte que les musulmans se détruisent les uns les autres et que l'islam s'écrase par lui-même. Comme cela a été fait chez les juifs auparavant, comme cela avait été fait chez les chrétiens auparavant, et comme cela a été fait après la venue des différents prophètes que Allah a envoyés à l'humanité. Durant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertissait constamment sa umma contre les innovations et contre les bid'ahs, alors qu'il n'y en avait même pas. Alors, il avertissait et dans chaque discours qu'il faisait, il disait... يعني وأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux choses inventées nouvellement dans la religion. Car toute nouvelle chose inventée dans la religion est une innovation, est une bid'a. Et toute bid'a mène à l'égarement et tout égarement mène à l'enfer. On voit, ces efforts-là ont été faits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa vie, alors qu'il n'y avait même pas d'innovation encore, alors qu'il n'y avait même pas de bid'a ou de choses inventées dans la religion. Et on a vu que lorsqu'il y avait quelqu'un qui inventait ou amenait quelque chose qui faisait pas partie de l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, automatiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam condamnait cette chose-là. L'exemple des trois hommes qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont... ils n'ont pas trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils ont demandé à la mère des croyants, Aisha radiallahu anha, au sujet de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle a mentionné ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme adoration lorsqu'il était chez lui. Alors, ces trois parmi les sahabes ont considéré que c'était peu, et qu'eux devaient faire plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'ils voulaient mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors l'un d'entre eux a dit, moi je ne vais plus dormir la nuit, je vais prier chaque nuit. L'autre a dit, moi je ne vais plus manger le jour, je vais jeûner tous les jours, je ne vais jamais cesser de jeûner. Et le troisième a dit, et moi je n'épouserai pas de femme. Et dans une autre narration, un a dit, moi je ne mangerai plus de viande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu cette parole, automatiquement il a senti, il a vu que c'était une porte de l'égarement qui était en train de s'ouvrir. Alors il a rassemblé les sahaba et il leur a dit, J'ai entendu qu'un tel ou tel d'entre vous a dit qu'il n'allait plus dormir la nuit, qu'il allait prier seulement, ou bien qu'il allait jeûner tout le temps et ne jamais cesser de jeûner. Et j'ai entendu un autre d'entre vous qui a dit, et je ne vais pas épouser de femme, ou je ne vais pas manger de viande. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sachez que moi, je prie et je dors. Je mange et parfois je brise mon jeûne. Et j'épouse des femmes. Celui qui ne suit pas ma sunna, alors il n'est pas des miens. Hein? فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. C'est-à-dire, celui qui préfère autre que ma sunna, il préfère autre chose que mon exemple, il n'est pas des miens. Il n'est pas de moi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est désavoué de ces formes d'innovation ou de ces choses qui sont apparues avant même qu'elles se propagent, pour être sûr qu'elle n'allait pas continuer et se perpétrer parmi les exemples de la Ummah. Et on a vu l'exemple par la suite, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens qui ont voulu faire des troubles dans la Ummah et propager des idées contraires à l'islam et à la croyance islamique, comme Abdullah ibn Saba, qui était un juif yéménite, qui est entré parmi les musulmans, a fait semblant de se convertir à l'islam et a commencé à propager parmi les musulmans des idées extrémistes et qui sont contraires à la religion musulmane. Il a commencé à essayer de dire que Ali, radiallahu anhu, il n'était pas mort et que c'était lui le lieutenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'était lui qui était Allah sur terre. Et même, il a appelé même les gens à l'adorer. Il a essayé de faire ça pour créer une division et une scission dans la Ummah. Et c'est à l'origine de la da'wah de cet homme qui est apparu par la suite la religion des Rafida parmi les Shia. Et donc on doit cette secte à Abdullah ibn Saba. Parmi les gens qui ont ramené des égarements dans la Ummah aussi, l'exemple de Raylan al-Dimashqi, l'exemple de Amr ibn Ubayd, Wasil ibn Atta, qui ont été à l'origine de la secte des Qadariya et des Jabriya, et la secte également des Mu'tazila, ceux qui nient la prédestination et qui disent non, il n'y a pas de prédestination, ou bien qui exagèrent dans l'affirmation de la prédestination. Et bien aussi, il y a eu par la suite les gens qui sont arrivés avec la négation des noms et des attributs d'Allah, comme Ja'd ibn Dirham et Jahm ibn Safwan. Et on a vu aussi des gens comme Bishr al-Murisi apparaître avec ce genre d'idées et commencer à nier les noms et les attributs d'Allah, ou bien nier les attributs seulement. Et donc tout ça faisait partie des innovations que les sahaba, que les tabi'in et les tabi'in et les ulama des salaf ont réfuté à leur époque. On a vu apparaître par la suite différentes formes d'égarements et de bid'a parmi ceux qu'on appelle les soufis. Et parmi les têtes de ces gens-là, on a vu apparaître un homme qui s'appelle Al-Hallaj, qui est monté sur la Kaaba avec son manteau et qui a dit, il n'y a rien à l'intérieur de ce manteau excepté Allah. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur de ce manteau excepté Allah. Et donc ça, c'est des exemples d'hérésies qui ont été propagées par des gens comme Al-Hallaj. Et bien entendu, alhamdoulilah, il a été attrapé et emprisonné de nombreuses années et appelé à se repentir de ses extrémismes et de ses hérésies, mais il n'a jamais voulu revenir sur ses paroles de mécréance. Et il a été donc exécuté sous l'ordre des ulama de l'islam de cette époque. Et on a vu apparaître aussi par la suite des idées comme celle de Ibn Arabi. Ibn Arabi qui a prôné l'idée de Wahdatul Wujud, c'est-à-dire l'idée que tout est Allah et que Allah est tout, ou qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, et que tout fait un. Ça fait partie des idées de ces gens-là. C'est une forme de panthéisme qu'il a essayé de rendre islamique et de propager parmi les musulmans. Et c'est des idées de shirk et de kufr. Il y a aussi les tendances et les sectes ésotériques qui se sont propagées aussi parmi certaines catégories des musulmans, comme ceux qu'on appelle les Qaramita et les Nusayriya. Nusayriya qui sont maintenant en Syrie en train de faire de la destruction, que les gens appellent Alawites, parce que c'est les Français qui les ont renommés comme ça après la colonisation. Mais leur vrai nom, c'est la secte des Nusayriya. Et les savants de l'islam ont dit qu'ils sont plus mécréants que les juifs et les chrétiens. Il y a également la secte de celle qu'on appelle, de ceux qu'on appelle Al-Ismailiyya, qui fait aussi partie des sectes ésotériques qui suivent leur chef aujourd'hui, qui s'appelle Aga Khan, hein, et qui a des millions de, qui fait partie des milliardaires sur la terre, et à qui on a remis même des titres de noblesse de la part des gouvernements occidentaux dans tous les pays presque du monde, et qui a des industries et des compagnies partout dans le monde. Et donc ça, c'est des exemples de gens qui ne croient même pas en Allah, ne croient même pas en les prophètes, ne croient même pas en le paradis et en l'enfer. Ils interprètent tout ça de façon philosophique. Ils disent que le paradis, ça n'existe pas, c'est symbolique. Et l'enfer, ça n'existe pas, c'est quelque chose de symbolique. C'est allégorique. Ils disent que, yani, les prophètes, c'est des philosophes, c'est des hommes intelligents. Ce n'est pas des hommes qui ont reçu une révélation qui vient d'Allah. Et ils disent que les anges, eh bien, ce n'est pas vraiment des anges, c'est des lumières, des sagesses, hein, de la raison que les hommes reçoivent. Et donc, ils interprètent toute la religion. Et pour eux, il n'y a rien de haram. Il n'y a rien qui est interdit dans la religion. Tout est halal. Et les cinq piliers de l'islam, eh bien, ce n'est pas les cinq piliers de l'islam que les musulmans connaissent. Ils disent ça, c'est pour le commun des gens. Le commun des musulmans, mais pour ceux qui sont initiés à la réalité de leur secte, eh bien, il y a des secrets cachés derrière. Et c'est pour ça qu'ils divisent la religion en deux catégories. Qu'est-ce qui est al-zahir, qu'est-ce qui est apparent, et qu'est-ce qui est batin, c'est-à-dire qu'est-ce qui est caché. Et ils disent que derrière chaque verset dans le Coran, il y a un secret, il y a quelque chose qui est caché, que seuls leurs initiés peuvent connaître. Que le reste des musulmans ne sont que des gens, yani, abrutis qui ne peuvent pas comprendre le secret caché derrière ces sens-là. Et donc, c'est seulement les gens de leur secte et les initiés à leur secte qui peuvent les comprendre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les Batiniyoun. Et parmi ceux-là, on a dit les Qaramita, les Nusayriya, les Druze, les Ismailiya, les Agakhaniya, les Buhara et beaucoup d'autres également. Et ces gens-là, aujourd'hui, existent encore. Et on a vu parmi les différentes sectes soufis et les turuqs apparaître aussi, et certaines d'entre ces turuqs, hein, ont adopté certaines de ces idéologies-là et adopté certaines de ces croyances aussi. Et on constate que les koufars, comme on avait dit dans la khutba précédente, les non-musulmans financent et aident la propagation de ces mouvements soufis pour faire en sorte que ces égarements-là se propagent parmi les musulmans, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, pour que ce soit ces groupes d'innovation-là qui soient au-dessus des musulmans qui sont sur la sunna. Et on a vu un bon exemple de ça durant la colonisation en Algérie. Une des turuqs soufis, parmi les différentes sectes soufis qui ont aidé beaucoup la colonisation, on a vu parmi eux la secte de ce qu'on appelle les Tijaniyah. Et on sait que le fondateur de cette tariqa s'appelait Ahmed Tijan. Il est né dans le sud de l'Algérie, dans une ville qu'on appelle Ain Mahdi. Après sa mort, il y a eu des gens qui ont continué cette tariqa et qui l'ont propagée en Afrique et un peu partout. Parmi les gens qui ont été les descendants de ce fondateur de cette secte, il y en a deux d'entre eux sont partis en Europe, en France. Et il y en a un des deux qui s'est marié avec une femme de colonel qui s'appelait Aurélie Picard. Cette femme est revenue en Afrique avec eux et elle a fait des travaux. Elle a travaillé pour le gouvernement français pour infiltrer cette tariqa. Et donc le chef de cette tariqa s'est marié avec cette femme et elle est devenue la responsable de la tariqa. Parce qu'après sa mort, elle a marié son frère. Et après la mort de son frère, c'est elle qui a pris les devants de cette tariqa et elle a aidé, et cette tariqa a aidé les Français lors de la colonisation et de l'invasion de l'Algérie. Et c'est à cause de ces turuqs soufis que les Français ont réussi à s'implanter plus de 130 ans sur la terre d'Algérie et à corrompre et à égarer et à détruire et à tuer et à massacrer des générations de musulmans. Tout ça avec l'aide des soufiyins et des turcs soufis, à cause de leurs fausses croyances et de leur mauvaise compréhension de la religion et de leurs égarements. Et tout ça, c'est documenté dans les livres historiques. Et il y a des preuves de ces gens-là. Et même eux, ils s'en vantent aujourd'hui. Et la France, jusqu'à aujourd'hui, les remercie de leur service pour la République. Et continue à avoir des bonnes relations avec eux jusqu'à ce jour. Et donc, tout ça, c'est pour montrer comment les gens de l'égarement cèdent entre eux et comment ils cèdent à propager leurs égarements. On sait que le soufisme est commencé en Irak et qu'il a des liens très proches avec l'origine de la religion des Shias, Rafida, parce que c'est parmi eux que le soufisme est né. Un des premiers savants, justement, lorsqu'il était en Irak, il a dit, j'ai vu des gens en Irak qui ont commencé quelque chose que je n'ai jamais vu avant, qu'ils appellent at-tarbir, c'est-à-dire faire du zikr avec l'aide d'un tambour ou de la musique. Il a dit, ils ont ouvert une porte d'égarement. Ça, c'était le début du développement, comment les soufismes s'est propagé. Au tout début, et allez, ils se concentraient sur l'adoration et petit à petit commençaient à ramener des innovations là-dedans. Mais au fur et à mesure que ça a évolué, ça a commencé de plus en plus à dégénérer. Et ils ont commencé à s'éloigner de plus en plus de la science pour que par la suite, eh bien, les premiers soufis sont complètement différents aujourd'hui de ceux qui existent maintenant avec leurs différentes touroupes. Et ils ont inventé des chaînes qu'ils attribuent à leur cheikh. Ils disent, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait dans notre tariqa, on a une chaîne de transmission qui nous revient, qui nous ramène jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour justifier qu'est-ce qu'on fait. Et donc chacune de ces tariqas, qui sont toutes en contradiction les unes des autres, prétendent toutes avoir un lien direct avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam par cette chaîne de transmission. Et les savants de hadith, alhamdoulilah, ont prouvé sans aucun doute que toutes ces chaînes qu'ils ont sont toutes des chaînes fabriquées, qui n'ont rien d'authenticité et qui sont, comme on appelle selon la terminologie des hadiths, qui sont munqati'a. C'est des chaînes qui sont coupées et qui ne remontent pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam ni jusqu'au sahaba. Hein? Parce qu'ils prétendent qu'ils ont des secrets. Ils disent, nous on a reçu de notre cheikh, notre cheikh il a reçu un secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce secret, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remis ce secret à Abu Bakr ou à Ali radiallahu anhu, et lui l'a remis à quelqu'un d'autre après sa mort, et ainsi de suite jusqu'à mon cheikh. Et personne d'autre dans le monde connaît ce secret-là excepté mon cheikh. Et tout ça, c'est bien entendu un grand mensonge contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque Aïcha radiallahu anha a dit, celui qui prétend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a caché quelque chose de la révélation d'Allah, il a certes inventé un grand mensonge contre la religion d'Allah. Et donc il n'y a pas de secret. Et même Allah a maudit dans le Coran ceux qui cachent quoi que ce soit de la religion et qui en font un secret. Alors comment ces gens-là peuvent-ils essayer de prétendre qu'il y a des secrets dans la religion d'Allah ? Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله sachez que parmi les exemples de l'égarement qui sont présents chez les soufis, il y a le fait qu'ils ont été influencés par qu'est-ce qu'on appelle ilm al-kalam. Et ilm al-kalam, c'est le fait d'utiliser la logique aristotélicienne ou la philosophie des Grecs et de Platon et d'Aristote pour essayer d'interpréter le Coran et la Sunna au lieu de revenir à l'interprétation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des Sahaba. Et en faisant ce genre de kalam, ils en sont arrivés à nier les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils rejettent et qu'ils renient ou qu'ils cherchent à déformer le sens des noms et des attributs d'Allah qui sont mentionnés dans la révélation. Un autre exemple de bid'a et d'égarement qu'ils ont ramené, c'est de faire une distinction entre la sharia et la haqiqa. Ils disent, les musulmans du commun et les savants de l'islam ne connaissent que la sharia. C'est qu'est-ce qui est apparent. Tandis que nous, on a connu al-haqiqa, c'est-à-dire qu'est-ce qui est la réalité de la religion, qu'est-ce qui est caché derrière l'essence. Et c'est de là qu'ils ont emprunté aux sectes ésotériques leur notion ou leur distinction de qu'est-ce qui est apparent et de qu'est-ce qui est caché, soi-disant, dans la religion, et que c'est seulement les initiés à leur groupe ou à leur voie qui sont capables de connaître les secrets à ce sujet-là. Et parmi les exemples de ça, un des chouyours de ces différentes turuq aujourd'hui disait, pour essayer de représenter la différence entre l'islam et les turuq soufiyas et la haqiqa des soufiyas, il disait, la sharia t'amène jusqu'à la maison d'Allah, tandis que la haqiqa ou la tariqa t'amène au propriétaire de la maison. Et donc il essaie de faire croire qu'il y a une différence, donc la charia t'amène juste à la maison, tandis que eux, ils t'amènent jusqu'à Allah directement. Et ça, c'est de l'égarement. Puisqu'on sait très bien que la charia d'Allah comprend tout ce qui est dans la religion. Et qu'il n'y a rien de la religion de l'islam qui est en dehors de ce que Allah a révélé dans le Coran et dans la Sunna. Il n'y a rien en dehors du Coran et de la Sunna qui peut définir et expliquer qu'est-ce que c'est la réalité de l'islam, contrairement à ce que prétendent les soufis, puisqu'ils prétendent qu'il y a des choses qui sont en dehors de la charia qui peuvent guider l'homme. Une autre de leurs notions aussi, c'est que, après être arrivé à un certain degré dans la religion, tu peux te libérer des obligations religieuses, et que tu n'es plus obligé de faire le jeûne, ou yani, de faire la salat, ou même les obligations religieuses. Et dans certaines de ces turuq, le cheikh peut permettre à son mourir ou à celui qui est initié dans sa tariqa, il lui dit, par exemple, toi, tu n'as plus besoin de prier. Il lui donne un billet qui lui permet, yani, de plus prier et de plus jeûner. Toi, tu n'as plus besoin de faire yani, le jeûne, parce que toi, tu t'occupes de d'autres choses. Et ça, c'est clair que c'est une forme de mécréance et que c'est quelque chose qui contredit totalement l'islam. Puisque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nulle part dans le Coran, que Allah a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve l'exemple ou la mention que quelqu'un peut être libéré des obligations religieuses, excepté s'il est fou, qu'il a perdu sa raison, ou bien qu'il est malade au point qu'il il a perdu la conscience. Mais en dehors de ça, tout le monde est obligé de respecter les ordres religieux. Un autre exemple de ça, c'est ça, c'est l'exemple, par exemple, au Sénégal. Il y a des frères qui viennent du Sénégal. L'exemple des Baïfal, ce qu'on appelle les Baïfal, qui prétendent qu'ils ont donné la baïa à leur cheikh Ibrahim Fall, et à cause de ça, lui, il leur a donné la permission que vous n'avez plus besoin de jeûner, vous n'avez plus besoin de faire la salat, parce que vous travaillez pour faire autre chose. Donc ça, c'est juste un exemple, mais ça existe dans toutes les autres turuq, dans tous les autres pays. Ne pensez pas que c'est quelque chose de spécifique. Hein? Dans toutes les formes de soufis, il y a ça. Et souvent, les soufis, ils jouent à ce jeu-là, entre eux. C'est-à-dire, quand tu critiques une tariqa, l'autre tariqa dit, « Oh, mais nous, on n'a pas ça, on n'est pas comme ça. On n'est pas égarés comme ceux-là. » Alors qu'en réalité, elles sont toutes pareilles. Elles ont toutes les mêmes égarements entre elles. Un autre exemple aussi d'égarement parmi les soufis, l'obéissance aveugle au cheikh. Et le fait de travailler et de vivre pour le cheikh seulement. Et d'être avec le cher comme le mort avec celui qui lave le corps du mort. C'est-à-dire, tu dois faire toute ta volonté et toutes tes pensées devant ton cher et lui obéir aveuglément. Et si tu vois ton cher qui fait quelque chose qui est incorrect, ou qui se trompe, ou qui s'égare, ou qui fait un péché, tu ne dois pas le dire et tu ne dois même pas le penser. Parce que le cher, selon eux, peut même savoir ce qui est dans ton cœur. Et même après sa mort, et que si tu as une mauvaise pensée sur lui, ou que tu doutes de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit, eh bien il peut t'enlever ta foi et te mettre en enfer. Par contre, si tu crois en lui et si tu le suis aveuglément, eh bien même si tu ne mérites pas le paradis, il va te mettre sur son dos et t'amener au paradis de force, hein, au jour de la résurrection. Et ça ne fait pas partie de la religion d'Allah, puisqu'il n'y a rien qui peut te sauver au jour de la résurrection excepté ta foi et tes bonnes œuvres. Et aucun cheikh ne peut t'aider en ce sujet-là. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa famille et à sa fille, « Oh Fatima, sauve-toi, parce que je ne peux rien faire pour toi devant Allah au jour de la résurrection. » Et il a parlé à ses oncles et à sa famille et à sa tribu, et il leur a dit la même chose. Et donc ça, c'est la preuve que si toi-même, ta foi et tes actions ne sont pas en accord avec le Coran et la Sunna, au jour de la résurrection, personne ne pourra rien faire pour toi. Et ça, c'est des exemples de ce qu'on retrouve chez les soufiyines. Et on retrouve parmi leurs idées et leurs croyances différentes formes de shirk et de bid'ah dans les fondements de la croyance islamique, comme le shirk dans Ar-Rububiyya, c'est-à-dire dans la croyance en la seigneurie d'Allah et la souveraineté d'Allah. Du fait qu'ils croient en des hommes qu'ils appellent Rijalul Ghaib. Rijalul Ghaib. Et à la tête de ces hommes qui sont cachés et invisibles, il y a celui qu'ils appellent Al-Qutb et Al-Rawf. Et ils prétendent que c'est lui qui gère le monde et qui contrôle le monde. Certains de ces chouyouks-là vont même jusqu'à dire que ils ont le kun fayakun. Et un de ces chouyouks-là a dit, et même il y en a un qui me l'a dit même, je l'ai entendu de mes propres oreilles, il l'a dit devant moi, hein, mon cheikh, il a le kun fayakun. Ça veut dire quoi? Quand il dit soit, c'est. Alors que ça, c'est une caractéristique d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est du shirk akbar, que tu t'attribues une caractéristique divine. Et donc, ça fait partie des exemples et des idées qui existent chez les soufiyines. L'exemple qu'ils ont dans l'égarement aussi, au sujet des noms et des attributs d'Allah, du fait que la plupart d'entre eux font partie des Asha'ira, et qu'ils nient les noms et déforment le sens qu'ils nient les attributs d'Allah et qu'ils déforment le sens des attributs. Donc au lieu de dire, comme Allah il le dit dans le Coran, qu'il a une main, eh bien, eux ils disent non, c'est pas une main, ça veut dire la grâce. Alors que nous on doit dire plutôt, oui, Allah il a une main, mais il ne faut pas essayer de l'imaginer. Il ne faut pas essayer de penser que c'est une main qui ressemble à la main des créatures. Mais il a une main qui convient à sa grandeur et à sa majesté, et rien ne lui ressemble. « Laysa kamithlihi shay'un, wa huwa as-sami'ul basir. » Tandis que, s'ils lisent dans le Coran que Allah a une main, ils disent non, il ne faut pas dire que Allah a une main. Pourquoi? On ne le dirait pas alors que Allah l'a dit lui-même. Est-ce que tu connais mieux Allah que Allah? Alors affirme ce que Allah a dit et essaie pas de l'imaginer dans ton esprit et ne tombe pas dans la négation et dans la déformation ou la falsification des noms et des attributs. De même que également des formes de shirk dans Al-Uluhiyya, dans l'adoration, ça il y en a des... plein dans des exemples de ce qu'on retrouve chez les soufis, hein. L'adoration des morts, l'adoration des saints, l'invocation des saints, la crainte des chouyours, hein, l'exemple de crainte des chouyours, que même à distance, hein, si tu n'es pas satisfait de toi, il peut t'enlever ta foi, alors tu crains ton cher comme tu crains Allah. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est du shirk. Le fait de dire qu'on doit juste adorer Allah par l'amour seulement et non pas par la crainte et par l'espoir, qui font aussi partie des égarements. Aussi la notion de wali chez les soufis qui ressemble beaucoup à celle des chrétiens. Et l'exemple du contact avec les djinns, hein, et l'adoration des djinns. Et l'idée que le cheikh, il peut avoir contact direct avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit dans ses rêves, ou bien en éveil même, hein, comme certains turcs le prétendent, ou bien qu'ils ont un contact direct avec Allah, Allah leur donne des révélations. Ou bien qu'ils peuvent monter dans le septième, jusqu'au septième ciel, aller voir ce qui est écrit dans les tables préservées d'Allah pour savoir l'avenir. Ou bien qu'ils peuvent apprendre la religion de l'islam sans étudier avec les ulama. Ils peuvent juste le recevoir par émanation divine. En se tenant au bord d'une tombe, ou bien en méditant, la science leur vient comme ça par magie. Hein, ça rentre sur eux comme ça, sans effort. Et sans parler de différentes formes de sihr, de sorcellerie, qu'ils attribuent ou qu'ils prétendent être des miracles. Hein, ils disent que ce sont des miracles qu'ils font. Et donc, pour terminer cette khutba, juste pour faire comprendre certains points, clarifier certains points, puis après, Inch'Allah, on s'arrête. Certains parmi les gens essaient de créer des ambiguïtés aux musulmans et essaient de leur faire croire qu'il y a deux formes de soufisme. Un soufisme qui est en accord avec la sunna, puis une forme de soufisme qui est une forme qui a des extrémismes ou des égarements dedans. Alors que la vérité, c'est qu'il n'y a pas aucune forme de soufisme qui est en accord avec la sunna. Il n'y en a aucune. Soit que c'est une forme d'égarement et de bid'a qui est grave au point de faire quitter quelqu'un la religion de l'islam, parce que c'est quelque chose qui est kufr, ou bien que c'est une forme de soufisme qui n'est pas à ce degré-là, c'est-à-dire ça ne va pas te faire sortir de l'islam, mais ça te fait sortir quand même de la sunna, ou ça te fait tomber dans la bid'a du fait que c'est des innovations. L'exemple des bid'a comme la célébration de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la danse et les chants dans les mosquées ou dans les endroits où ils se réunissent, la division des musulmans en turuq, en différentes sectes, en différentes confréries, et que chaque cheikh a une tariqa et qu'il divise les musulmans de cette manière-là. Le fait qu'ils font des adhkar, des formes de rappel, dans lesquelles il y a parfois de l'exagération envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et envers les hommes pieux, et même du shirk parfois. Leur éloignement des savants. Et également parmi leurs ambiguïtés, c'est qu'ils essaient de jouer avec les termes comme tazkiyatun nafs ou bien zakatun nafs. Le fait qu'ils prétendent que le soufisme c'est pour purifier son âme. Alors qu'il n'y a pas de moyen de se purifier dans l'islam autre que ce qui est révélé dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire de faire les obligations religieuses premièrement, puis qu'est-ce qui est surérogatoire par la suite. Mais il n'y a rien qui est en dehors de ça. Comme eux, qu'est-ce qu'ils prescrivent? Comme le fait de se retirer dans une grotte, ou d'aller méditer, ou d'aller loin de la société, de ne pas se marier, de ne pas manger, de ne pas dormir, ou des choses comme ça, hein, des châtiments corporels, ou toutes sortes d'idées comme ça qui viennent en fait des moines et non pas des moines chrétiens et non pas de l'islam, ou des bouddhistes et non pas de la religion musulmane. Donc la purification de l'âme, c'est par la charia et non pas par le soufisme. Deuxièmement, d'utiliser le terme ihsan pour essayer de prétendre que l'ihsan c'est le soufisme. Alors qu'on sait très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les degrés de la religion. Il a dit que le premier degré c'est l'islam, c'est les cinq piliers. Puis après c'est le degré de al-iman, la foi, c'est-à-dire les six piliers de la foi. Et après il a parlé de al-ihsan et il l'a décrit comme étant le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, eh bien ça, tu sais qu'il te surveille, qu'il te regarde lorsque tu l'adores. Et ça n'a rien à voir avec le soufisme. Et aucun des savants n'a jamais critiqué quoi que ce soit de l'ihsan. Puisque l'ihsan, ça fait partie de l'islam, ça fait partie de la charia. Mais les soufis rajoutent des choses à l'islam, puis ils prétendent que c'est le soufisme. Alors qu'en réalité, c'est tout à fait différent. Ou bien ils utilisent des termes comme la spiritualité. Et vous allez souvent entendre dans les cercles francophones des gens qui parlent de spiritualité comme si c'était, le soufisme, alors qu'en réalité... Et allez, la spiritualité, si ça sort de ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, c'est inacceptable en islam. Et parmi les mouvements contemporains, et je conclus avec ça, parmi les mouvements contemporains qui sont dans le soufisme et qui propagent le soufisme, il y a les deux grands groupes d'égarements les plus répandus, qui est la bid'a de Jama'at al-Tablir, qui est un mouvement fondamentalement soufiste, puisque le fondateur Mohamed Elias Al-Kandahlawi était lui-même de la tariqa Jistiyya et il croyait et il propageait la croyance des soufis, et son école, l'école des Diobandiya en Inde, continue à propager ces idéologies-là aujourd'hui, et également le mouvement des Ikhwan, ce qu'on appelle les frères musulmans en Égypte, qui s'est propagé partout dans le monde et qui, dont le fondateur Hassan al-Banna faisait lui-même partie de la tariqa al-Hisafiyya, qui est bien entendu une tariqa parmi les turuq d'égarement, et il a propagé ça parmi ses membres, et ils sont toujours, jusqu'à aujourd'hui, des grands défenseurs et des grands sympathisants de la cause soufia et des croyances et des pratiques des soufis, et on entendra très rarement parmi eux quelqu'un les critiquer, et s'il les critique, c'est seulement une critique superficielle sur des aspects matérialistes qui ne touchent jamais aux critiques au niveau des croyances et des pratiques telles qu'on l'a fait dans cette khutbah. Et donc on s'arrête ici, inshallah. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal-muslimin. Wadammir al-shirk wal-mushrikin. Wansur dinaka wa sunnataka وسنة نبيك والدين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح